Amni, frère. Si à vos yeux, j'incarne mal, malheureusement, je suis un mal nécessaire. J'ai besoin de personne, promis je t'appelle. Petit comme Iverson, plein de zéro sur la paye, rien que ça piaille. Déjà loin l'appel, je bois mon café à la paille. Depuis que mes lèvres sont loin de la taille de Sky. Solitaire, droit dans mes Nike, j'ai confiance comme ma mère. Mon fils, tout le reste n'est qu'une histoire de date. Souvent trahi par les plus proches, fais pas crari. Je suis pas un pit, stop ton sinoche, c'est pour les mioches, c'est pour Neymar Paris. Réfléchis avant de tomber dans le panneau. Peu de rêves rentrent dans le panier, de monde à Luciano, laser sur chaque piano. Plus confiance en je t'aime, une chose de sûre, je pose une gerbe de chrysanthème sur la tombe de mes blessures. Chez nous la confiance ça se gagne avec le temps. Pas besoin de Clara Morgan pour savoir que c'est hard comme Yves Montand. J'perds mon temps à le donner à des gens qui n'en valent pas la peine. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Au fond pas tous les mêmes. J'ai que la musique pour apaiser ma peine. Reste authentique dans chaque combat que je mène. J'ai que la musique au milieu de mes problèmes. Au milieu de l'Antarctique, je nage sans savoir où ça mène. J'ai que la musique pour apaiser ma peine. Reste authentique dans chaque combat que je mène. J'ai que la musique au milieu de mes problèmes. Au milieu d'Antarctique, je nage sans savoir où ça mène. Dévoile pas tes faiblesses, c'est ce qu'ils attendent. Toucher la corde raide, l'humain espiègle en attendant qu'il se venge. Plus personne veut assumer, les sentiments sont consumés. Une consonance d'échec qui ne fait que nous assommer. Si tu te sens visé, c'est pas de ma faute. Sur le boulevard des rêves brisés comme un appel. Qu'un jour parmi tant d'autres. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, je perds dans leurs mensonges. Je passe une clope des feuilles, que j'oublie que tout ce bordel me ronge. À vouloir grandir trop vite, retoie les problèmes d'adultes. Y'a pas de recette magique, petit pour se tailler une répute. À trop griller les étapes, on s'en mord les doigts. Vu qu'on se retrouve sans même le bac, avec la mort des lois. Autour le décor est noir, très peu d'efforts. Les mauvais souvenirs interfèrent ta mémoire. Dans la boîte de Pandore, on a tous des problèmes à gérer. Peu d'égérie, du mal à digérer, comme les frères en Algérie. J'ai que la musique pour apaiser ma peine. Reste authentique dans chaque combat que je mène. J'ai que la musique au milieu de mes problèmes. Au milieu de l'Antarctique, je nage sans savoir où ça mène. J'ai que la musique pour apaiser ma peine. Reste authentique dans chaque combat que je mène. J'ai que la musique.